Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours bien accompagné d'Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Kevin, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va. Bien, bon bah de toute façon oui, c'est vrai, là on arrive dans une période estivale, il fait beau, mais pour autant voilà, ça n'empêche pas d'aller voir des films, d'être au frais justement, dans les salles obscures. Et donc là nous allons vous parler d'un film événement puisqu'il vient clore une saga entamée il y a plus de 30 ans. Il s'agit du dernier volet de la saga Mission Impossible The Final Reckoning, qui est sorti donc le 21 mai dernier. Donc l'histoire... Simplement, Ethan Hunt et l'équipe et son équipe se lancent dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l'humanité. Donc ça fait suite au précédent film qui était sorti il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Alors, qui était sous-titré d'ailleurs partie 1. Oui. Mais finalement, là, ils n'ont pas repris partie 2. Exact. Ils ont un peu changé les choses. Ils l'ont titré, voilà, Final Reckoning, alors que l'autre, c'était Dead Reckoning. C'est bon, ça. Après, voilà, peu importe voilà, comment ça s'intitule. Oui. C'est une suite directe voilà, du 7e opus. Alors, du coup, Aurore, toi qui allais le voir, moi aussi, bien sûr, oui. Mais moi, j'ai eu la chance de le voir en toute avant-première, parce que je l'ai vu le 17 mai, donc ah, oui. un petit temps avant qu'il sorte. Ouais, j'avais hâte, j'avais réservé mon billet dès qu'ils ont ouvert la billetterie, oui. Tout ça. Toi, tu l'as vu un peu plus récemment, alors qu'en as-tu pensé? Eh ben, j'ai envie de dire Tom Cruise fidèle à lui-même. toujours si en forme. Si je peux résumer, c'est ça, toujours en forme. Voilà, l'émission Impossible, donc effectivement, c'est le 8e. Le premier était sorti en 96, donc effectivement, ça fait pratiquement 30 ans. Ouais. C'est impressionnant, et ça, c'est du Tom Cruise tout craché, mais c'est impressionnant de voir l'évolution des films, et du coup, là, le film reprend un peu quelques scènes et compagnie, et on se rend compte qu'il arrive toujours à aller plus loin, alors que ça fait 30 ans. je trouve en termes de cascade, etc. Justement, dans Dead Reckoning, on avait une grosse cascade qui malheureusement avait leaké. Vous avez fait aussi la com autour, je viens de reconnaître. Mais voilà. Et là, on avait eu des scènes pareilles où on avait vu un petit peu ce qui se passait. Mais je dirais que là, on avait quand même 3 scènes assez importantes de cascade. Et c'est très beau. Oui, c'est ça, il arrive toujours à aller plus loin et plus impressionnant. Et ça fait toujours plaisir de voir ça au cinéma. C'est vraiment le genre de film, même si ça reste un blockbuster, on pourrait se dire, oui, bon, il y a de l'action, et puis à la fin, il finit par réussir, comme d'habitude. Il y a vraiment un intérêt cinématographique et une expérience cinématographique derrière. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans les films de Tom Cruise, que ce soit les Top Gun, que ce soit les Missions Impossibles, oui. Edge of Tomorrow, etc. Il y a toujours une expérience et une valeur ajoutée à l'action qu'il y a dans le film. C'est pas simplement de l'action pour faire beau, pour que ça explose de partout. Il y a vraiment un intérêt visible et expérimental à vivre. Oui, c'est vrai que je te rejoins. En plus, voilà, le réalisateur Christopher McQuarrie, il le suit depuis maintenant plusieurs films. Oui. Donc, je pense que voilà, il sait comment il fonctionne. Ils travaillent ensemble, comme tu le disais. Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est Tom Cruise et les autres, hein, parce qu'il est quasiment sur tous les plans, bien évidemment. Oui. Mais bon, après, voilà, c'est la saga qui veut ça. Et je te rejoins, c'est vrai qu'on a 2-3 gros moments de bravoure, mais voilà, qui sont. Intense, on n'en perd pas une miette. Oui, et puis la photographie accompagne. Aussi. Vraiment, la photographie accompagne ces cascades. C'est pas juste des plans de cascades impressionnants. Il y a vraiment une réelle photographie. Je pense notamment à toute la scène de plongée dans le sous-marin. Ah oui. Les plans sont magnifiques, en fait. C'est en plus d'avoir de l'action, d'avoir un stress, etc. On arrive quand même déjà à avoir un stress, ce qui c'est quand vrai. Même assez surprenant, alors que bon, ça fait 8e Mission Impossible, ça fait 8e qui s'en sort. on arrive quand même à avoir ce stress-là et cette tension-là, et l'image est belle. On prend un plaisir à regarder des scènes d'action, c'est pas tout va vite, en fait. On peut aussi admirer ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'on pourrait presque parfois faire à chaque fois un arrêt sur image, presque toutes les secondes, et enfin, des tableaux... tellement les images sont belles et magnifiques. Je te rejoins là-dessus. En termes d'action, donc en effet, voilà, on c'est bien fourni, hein, clairement, on ne s'ennuie pas. Après, voilà, moi, ce que j'ai aimé, et tu l'as un peu dit, c'est un film qui résume les sept précédents. Alors, je pense qu'il faut quand même être fan de la saga, parce que, enfin, je dis pas que ceux qui sont pas fans n'aimeront pas, mais je sais que voilà. Il faut se souvenir quand même un petit peu. Etc. Et puis après, le dynamisme dans l'équipe reste. Ça, c'est vraiment bien. Oui. Il y a un respect des personnages qui est resté. J'avoue que j'ai eu notamment un peu peur, tu sais, la scène dans la chambre de décompression. Ah oui, oui, oui. Ouais, j'avoue ouais. que j'ai eu un peu peur, mais au final, non, ça a été... j'avais peur de l'évolution entre les deux personnages. Ouais. Et finalement, non, je trouve qu'ils ont quand même respecté l'âme de... Bah, à partir notamment du... C'est à partir du 4, je crois, avec... Ouais. Oui, c'est là, ça s'est bien relancé, là. C'est ça, et voilà, et on retrouve avec Alea Twell un peu la même relation qu'il y avait avec Rebecca Ferguson. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai trouvé bien qu'il le respecte. Et après, voilà, on retrouve Simon Pegg et puis... Vin Rhames, c'est ouais ouais donc et non Kevin Tief qui aussi. Fait aussi ouais. le bon rôle ouais c'est vrai elle a un rôle ça sympa fait, ouais c'est ça ça fait plaisir de, ouais. de la voir ouais. Donc c'est vrai que c'est un film fleuve, voilà, ça synthétise voilà toute cette longue et belle saga. C'est vrai que au fur et à mesure des films ça a gagné voilà en maturité et on est toujours surpris et happé par mais au bout d'un huitième film ce que ça propose, que comme tu l'as dit on pourrait vite tomber dans le simplisme dans le bateau, oui d'accord, allez encore un huitième, on sait ce que ça va donner, un peu comme les autres sagas telles que Fast and Furious ou autre, oui. Mais là c'est pas le cas, c'est ça, et puis voilà au bout du huitième il arrive quand même à faire un record du monde aussi, c'est quand vrai. Même très oui. fort enfin, oui, oui oui en sautant en parachute 16 fois je sais plus combien je sais plus. Ouais, en individuel ouais. en feu c'est ça. Ouais, ouais. Il a 62 ans et il se surpasse en effet. Après, et puis voilà côté scénario c'est pareil, c'est très actuel. Cette intelligence artificielle. La critique de l'intelligence artificielle. Ouais. Si je me souviens bien, on en avait parlé justement dans l'avant-dernier. Oui, oui, oui. Où on avait peur que ce soit un peu cliché sur le côté à dénoncer un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, donc, on revient avec ce sujet-là. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt assez logique. Ça reste catastrophique forcément parce que ça reste un film d'action et bien sûr. Faut que ça le soit. Et oui. Mais oui. ça n'en est pas lourd et ça en reste quand même assez effectivement réaliste. Oui. Et puis alors c'est vrai que c'est le film le plus long de la saga, hein, il dure près de 2h45. Alors c'est vrai que moi au départ cette durée, alors ça peut faire peur parce que on a l'impression que les blockbusters aujourd'hui ils doivent obligatoirement durer plus de 2 heures voire plus. Oui. Je sais pas pourquoi il y a une durée comme ça un peu minimum et finalement voilà le début c'est vrai que ça remet un peu en matière les choses et quand on a été fan de la saga, quand on a vu tous les volets etc, enfin moi personnellement j'ai pris un malin plaisir avec le début et tout à me remémorer certains films etc, il y en a que j'avais pas vu depuis longtemps, de revoir aussi un personnage où tu te disais il est finalement anecdotique et là il a un rôle finalement assez important. Un bon rôle, ouais. Et ça, je trouve ça pas mal. Et puis après, en effet, on rentre, dans l'histoire. On reprend ce qui s'est passé dans le précédent volet. Et puis après, voilà, c'est la course contre la montre, hein. Et ça ne s'arrête pas jusqu'au bout. Et, franchement, moi, j'ai pas vu passer le temps. Ah oui, c'est un très, très bon rythme. Ouais. Ouais. Le film, je trouve qu'il est bien rythmé. Alors bon, il y en a toujours qui vont dire, c'est trop long, on aurait pu couper, machin. Mais je pense que, c'est un vrai bon film. Ça sent qu'il est fait avec amour, fait pour les fans. C'est et ça. Tom Cruise, il y a mis du sien, hein, c'est bien ça, évidemment. Il y a toujours une volonté de bien faire. Et ça se ressent dans l'ensemble de ses films. Et ça fait toujours plaisir d'avoir... pas un film d'action qui est fait juste pour rapporter de l'argent derrière. C'est ça. Alors, c'est fait pour ça, hein, bien évidemment. Mais oui. Mais il y a quand même cette volonté, que ce soit dans la bande originale, que ce soit dans les images, etc., que le spectateur ait vraiment une expérience qui vaille le coup. qu'on sache pourquoi on paye notre ticket. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le film finalement, hein. Oui. Ça résume beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, voilà, je sais que j'ai des personnes qui l'ont vu, qui m'ont dit « Ah ouais, c'est peut-être trop surchargé, ils ont voulu trop en faire, trop en mettre, etc. » Moi, ça m'a pas dérangé, personnellement. Au contraire, ouais. J'ai trouvé que, bah oui, c'est riche, c'est fourni, mais bah, c'est ça aussi, les films. Enfin... Oui, c'est ça. Et puis, y a quand même... et puis, la mission a quand même beaucoup d'enjeux. Aussi. Si la mission n'en avait pas, oui, on pourrait mettre moins de choses, mais c'est l'enjeu est quand même assez, assez important. Donc forcément... voilà, au début, c'était quelques pays qui étaient concernés, etc. Et puis, bah, forcément, là, au bout du huitième, oui, il faut qu'au bout d'un moment, que ça devienne de plus en plus compliqué. C'est sûr. Oui, et là, voilà, ça concerne quand même l'entièreté des pays. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'enjeux. Oui. Et ça reste quand même extrêmement intéressant, du coup. Et bah, c'est vrai que le précédent volet, il n'avait pas tant marché que ça. Et il était sorti à la même année hein, qu'Oppenheimer et Barbie. C'est même pas la même année, c'est la semaine juste avant. Et la semaine juste avant, c'est même. C'est ça, mais ouais. Oui. En fait, ça, il s'est fait totalement effacer par les deux grosses sorties avec Barbie et Oppenheimer. Et oui, il était sorti la semaine juste avant. Et donc, du coup, ça n'a pas... Ça ouais, pas ça a dû changer un peu leur plan. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que voilà, ça a été retitré, plus partie 2, etc. Ils ont un peu rechangé les choses. Bon, là, il a l'avantage d'être sorti à un moment où il n'y avait pas vraiment de grosse concurrence. Enfin, non, exactement. Là, il est sorti le même jour que Lilo et Stitch, mais bon, c'est pas le même public. Même si le film cartonne aussi, attention, Lilo et Stitch, parce que voilà, il y a le public pour. Mais voilà, là, il a encore un boulevard devant lui. Là, on va bientôt rentrer, dans la période de pur blockbuster, notamment avec l'arrivée de Jurassic World, les 4 Fantastiques, Superman. Enfin voilà, là. Sur juillet, août, forcément, ça va être que ça. Mais voilà, de mai jusqu'à début juillet, voilà, il a un boulevard devant lui. Là, il a l'air de bien marcher. Je pense qu'il y a un bon bouche à oreille. Et il y a eu Cannes qui a aidé. Aussi, Cannes, oui. Il avait fait la même chose pour Top Gun Maverick. Ils avaient été à Cannes. Ouais. Effectivement, ils ont plutôt bien fonctionné. Donc bon, j'ose espérer que le film fonctionnera. Bon, même si, et normalement, ce sera le dernier... Oui. Je sais pas ce qu'ils vont nous pondre d'autre, mais ça serait dommage de faire une suite là. Je pense faut savoir. Non, c'est une très bonne fin. Voilà, s'arrêter au bon moment. C'est une très bonne fin, c'est ça. Non, on est d'accord. Ouais, là, franchement, c'est comme tu dis, une très belle fin, et donc on ne peut que vous conseiller et vous encourager à aller voir Mission Impossible 8. Alors, bon, si vous avez pas vu les autres épisodes de la saga, regardez au moins le précédent. C'est un minimum pour comprendre. Ah bah là, c'est obligatoire. Parce que c'est même s'il n'est pas sous-titré partie 2, c'est quand même partie 2. Bon, si vous n'avez pas vu les autres, c'est pas grave, mais je pense que en allant voir celui-ci, ça vous donnera certainement envie de découvrir les autres, même les plus anciens, puisqu'on est quand même sur très belle saga. Ils ont bien vieilli. Oui, aussi, c'est vrai. Ils ont bien vieilli, c'est assez surprenant. Mais non, mais enfin, par rapport. Enfin, voilà, on disait il y a 30 ans. Oui, oui. On regarde les autres films d'action d'il y a 30 ans. Il y en a qui n'ont pas si bien vieilli que ça. C'est vrai. Et on a une continuité dans les 8 films qui je trouve, ça reste à l'étang. Oui, bien sûr. Tout le long. Quoi. Oui. Ah, non, franchement, c'est une saga qui a su vivre avec son temps, qui a bien été relancée. Oui. Et voilà, qui se finit en apothéose. Après vous avoir parlé donc de ce Mission Impossible 8, comme à son habitude, Aurore a déniché un fun fact à fait étonnant, surprenant. Je ne serais pas d'ailleurs surpris que dans Mission Impossible 8, il y en ait. Hein. Oh, oui. C'est même sûr, peut-être que tu nous en parleras lors d'un prochain épisode. Alors là, de quoi vas-tu nous parler ? Alors, je vais vous parler du film d'animation Cars, le premier. Alors, on sait que dans les films d'animation, il y a toujours plein de détails cachés, etc. Ouais, Alors là, c'est plus un fact fact, on va dire plutôt technique. D'accord. Ouais. J'en ai même deux. c'est par rapport à donc l'animation, ça prend du temps. Il faut le plus de détails. C'est un film qui est quand même extrêmement détaillé avec les voitures, les mimiques des voitures, etc. La durée de rendu moyenne de chaque image, donc frame, du dessin animé, était de 17 heures. Pour une image ? Pour une image, en moyenne. Donc voilà, c'est impressionnant le nombre de détails, etc. Alors, le film est sorti il y a une vingtaine d'années. Oui, déjà, oui. Mais il y avait quand même déjà des ordis qui étaient quand même assez performants. Et donc, voilà. Et notamment en parlant d'animation qui était quand même assez compliquée avec énormément de détails. Lors de la dernière course pour la Piston Cup, il y avait 105 000 cars qui avaient été animés individuellement. Et il y en a 13 000, c'était rien que pour l'entrée des voitures dans le stadium. Rien que pour la scène de l'entrée, il y en avait 13 000 qui avaient été animés. Donc, par contre, on multiplie par le nombre d'heures, wow, c'est vertigineux. C'est on comprend pourquoi ça prend du temps de faire un film d'animation. De toute façon, ouais, c'est ça, on sait que généralement, une seconde, c'est une journée pour un animateur. Ouais. Voilà, c'est pas pour rien. Non. C'est déjà 17 heures de rendu, donc c'est déjà bien plus qu'une journée. On comprend aussi pourquoi les films d'animation, finalement, durent pas si longtemps, parce que s'ils duraient 2h45 comme Mission Impossible, alors là, ça serait un peu long. Là, faut attendre 4 ans avant d'avoir un film. Bon, ça sent qu'aujourd'hui, je pense, le temps est certainement réduit, mais bon, ça reste quand même, je pense, assez long quand même. Bien sûr. Ouais. Bien, et bah écoute, merci Aurore, voilà, pour ces faits étonnants et surprenants. Comme à notre habitude, voilà, là on se projette un petit peu dans les prochaines semaines, voilà, qui vont être riches notamment en films, voilà, d'action, d'animation, notamment. Ce mercredi, on a donc le nouveau Pixar, Elio. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses, et cette fois, l'univers a répondu, Elio. Un garçon de 11 ans, rêveur et passionné d'espace, peine à trouver sa place sur Terre, mais sa vie bascule lorsqu'il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse. Du Marvel, j'en sais rien. Une organisation intergalactique rassemblant des représentants de galaxies lointaines. Donc il est pris par erreur pour l'ambassade officielle de la Terre. Et donc il va se retrouver propulsé au cœur d'une mission aussi périlleuse qu'extraordinaire. Bon, l'histoire a l'air somme toute classique. T'avais vu la bande-annonce Oui. Mais bon. Ils les avaient repoussés sa sortie, hein, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. C'était pas la première fois que je voyais la bande-annonce. Oui, ça fait un moment que je vois passer le film et je me suis dit, il n'est pas déjà sorti. Mais non, il n'est pas déjà sorti. Oui, je pensais, donc on retrouve l'animation de Pixar, telle qu'on la connaît. Voilà, petit fait estival. Tu vois, je m'étais dit que celui-ci il sortirait sur Disney+. Parce que clairement, il me fait un peu penser. Alors, c'était différent, mais Luca, enfin dans l'animation, c'est exactement la même chose. Oui. Et s'il y avait En Route aussi, qui, il était sorti au cinéma. Oui. Il avait pas trop marché justement. Et après, il a mieux marché justement sur Disney+. Mais voilà, là, je sais pas, on verra bien. Bon, après, il y a pas trop de films d'animation en ce moment, donc oui, en soi. Puis à la fête du cinéma le week-end après. Et c'est vrai, donc je pense ça va quand même attirer un jeune public parce que le film est fait quand même, je pense, pour un jeune public. Oui, clairement, On n'est plus sur des thématiques adultes telles qu'il y avait eu dans Vice Versa 2. Je pense que c'est un petit film de transition. Attendant un film peut-être plus mûri, plus construit, après à voir, on verra. Je pense que j'irai le voir, parce que Pixar, moi je suis toujours curieux. Oui. On peut toujours être agréablement surpris, et puis au pire des cas, même si c'est pas extraordinaire, on passe toujours un bon moment. Généralement. Oui, voilà. Donc voilà en ce qui me concerne, et toi Aurore? Alors moi il sort juste la semaine juste après, donc le 25 juin, c'est le film F1. Sur la F1, surprenamment. C'est fait par le réalisateur du dernier Top Gun. Ah oui. C'est avec Brad Pitt. C'est Sonny Hayes, était le prodige de la F1 des années 90 jusqu'à son terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d'une écurie en faillite, qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pierce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1 son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. Alors, on verra ce que donne Brad Pitt en pilote de F1. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris par le choix du casting. Ouais. Notamment par son âge. Oui. Après, les alors la presse le tisse comme un des gros films d'action de cette année. D'accord. Ouais. Les plans, je les trouve vraiment intéressants. On retrouve les plans typiques des courses de F1, notamment à la première personne dans le cockpit. Etc. Très bien, d'accord. Et donc, voilà. Après, quand on voit le réalisme qu'il y avait eu dans les Top Gun, le dernier, on se dit que c'est plutôt une valeur sûre de le voir dans une F1. Et puis, c'est toujours sympathique de voir ce genre de film au cinéma. Oui, c'est vrai que quand c'est bien fait, voilà, on boude pas son plaisir. Et puis, je pense, comme tu le disais, ça va être, à mon avis, très réaliste. Voilà, le réalisateur, Joseph Krasinski, Kosinski. Bon, voilà, c'est vrai qu'il a l'habitude quand même de faire des films assez réalistes. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, bon, Brad Pitt, voilà, ça attire le monde. C'est ça, bien sûr. Donc, bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce que j'étais en train de voir justement le réalisateur, qu'est-ce qu'il avait fait. Donc, oui, c'était Top Gun Maverick. Je ne sais pas pourquoi. Et oui, il avait fait Oblivion. Ah oui. Et Tron l'Héritage. D'accord. Aussi. Oui, donc voilà, il est quand même habitué à des films futuristes et en même temps, avec Top Gun, très réaliste. Donc, bon, je pense que derrière la caméra, je m'inquiète pas trop. Maintenant, à voir ce que ça va donner, parce que j'ai vu la durée du film, 2h30. Ah, tu vois, ils font que des films longs. Oui. voilà, c'est la mode. Ouais. Donc bon, on verra bien. Mais ça m'a. Tu me diras, il y avait eu un film. Alors c'est un peu différent, mais Le Mans 66. Oui. Pareil, qui était assez long, je me souviens. Qui était pas mal fait d'ailleurs. L'histoire était vraiment intéressante. Ouais. Donc en soi, s'ils arrivent à mêler habilement une histoire qui tient la route, qu'elle le dire, et en même temps, voilà, comme tu dis, des belles scènes de F1, je pense qu'en effet, on peut avoir un bon film en perspective. Oui. Très bien, et ben écoute, merci Aurore. N'oubliez pas d'aller voir Mission Impossible 8 qui clôture la saga. Et puis nous on se retrouve pour un prochain épisode pour parler de films, certainement peut-être d'un blockbuster, parce que là on arrive vraiment dans la période de blockbuster. De toute façon, si on regarde les juillet-août, il y a que ça. Il y a peut-être quelques films indépendants qui vont sortir entre-temps, mais voilà, là c'est vrai que l'été, souvent, voilà, on a pas envie de se prendre la tête, on pose son cerveau et voilà, on kiffe les films. En tout cas, merci Aurore, et puis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.